Maman, rien, je fais rien, papa. Mais tu vois, à chaque fois que j'espère que tu vas pas finir ton album encore dans un mois, parce que moi, si à chaque fois que je viens chez toi, je fais rien, je sais que tu m'as toujours fait un cadeau, tu m'as fait un téléphone et tout. Mais bon, moi, je veux pas de cadeau, c'est toi que je veux voir, papa, c'est toi que je veux voir. Parce que j'en ai marre que toujours tu sois dans ton studio, nanani, nanana. J'en ai marre, papa, c'est toi que je veux voir. C'est toi que je veux voir.